Toinette, la servante, arrive enfin et se plaint de l'impatience de son maître Argan. Puis elle se moque de lui, à cause de son amour pour les médecins et les médicaments. Aux yeux de Toinette, l'apothicaire Florent et le médecin Purgon ont à M. Argan une bonne vache à lait. Et je voudrais bien leur demander quel mal vous avez pour vous faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante, ce n'est pas à vous à contrôler les ordonnances de la médecine. Comme fasse venir ma fille Angélique, j'ai à lui dire quelque chose. La voici qui vient d'elle-même. Elle a deviné votre pensée. Approchez, Angélique. Vous venez à propos. Je voulais vous parler. Me voilà prête à vous ouïr. Argan courant au bassin pour la toilette. Attendez, donnez-moi mon bâton. Je vais revenir tout à l'heure. Toinette. Allez, vite, monsieur, allez. Monsieur Florent nous donne des affaires.